C'est quand y'a danger que tu vois la vraie nature de l'homme. Ça fait la pute dehors, tu sais, ce n'est pas dur de spam. J'kiffe tout ce qui vient d'ailleurs, rappeur à plein temps. Sachant que mon équipe s'élève très vite, on marche à l'instinct. À tout moment, la balle peut surgir. On survit, on surine, on subit les supplices. Mais bon, c'est le mec tout qui nous le dira. Mec, ton, j'suis peut-être fou comme les boucs d'Irak. On connaît pas nos voisins, on connaît pas nos potes. Toujours dans le vrai, dans le droit, j'mors, connaît pas nos torts. À quoi ça sert monter? À baiser toutes ces petites putes qui sont assermentées. J'ai vu la mort sur un lit d'hôpital. Y'a plus de pitié, poteau. J'te fais mon speech sur un beat official. Y'a plus de ficha, on a la fiche. Les fachos sont fâchés, on vivra. Ici survivre est un exploit, faut pas lâcher. Leur modèle c'est le travail à la chaîne. Moi j'suis pas un esclave. Ils sont déjà malheureux les jeunes, alors eux les vieux. On a l'heureux les jeunes, ne rejette pas le religieux. Non, j'ai des yeux meilleurs. Tout me perturbe, j'ai vu des jeunes voyous perdus devenir des mecs de urge, nous nés loin de ces frayeurs. Hier, je recouvre d'une couverture ma deuxième mère qui dort sur le canapé après une dure journée. Un jour, elle m'a dit je t'aime et mes yeux scintillèrent. Je me sens apaisé par sa voix pendant les cinq prières. Pourtant, je suis loin d'être un modèle de vertu. Bordel de merde dure, vie moderne, faut que je modère la verdure. Pendant que le diable, en bruyant comme une âme, la mort arrive, muette comme une tombe, bruyante comme une arme. Pendant que le diable, en bruyant encore une âme, la mort arrive, muette comme une tombe, bruyante comme une arme. J'ai encore atteint le quart de siècle, alors laisse-moi rapper avec l'intellect, ta garde CRS là. Brûlé comme les feux rouges, les keufs commencent leur ronde. T'entends que le moteur ronfle, mais crois pas que le CLS dort. T'as encore atteint le quart de siècle, alors laisse-moi rapper avec l'intellect, un quart de CRS. L'âme brûlé comme les feux rouges, les keufs commencent leur ronde. T'entends que le moteur ronfle, mais crois pas que le CLS dort. On m'annonce ta mort au téléphone, alors que j'étais dans le métro. C'est pas comme si j'étais Zeppo, peinard auprès de mes potes. Mon cœur perd son tempo, le malheur du monde sur mes épaules. Je me rappelle de tout le GPro et de la belle époque. Étant bébé, on se lavait dans la même bassine, mal dans ma peau, ta gentillesse était ma terre d'asile. À quoi ça sert la vie? À voir ses frères partir. Mais on m'a dit que Dieu cueille les plus belles fleurs qui prennent racine. Parfois j'ai l'impression de t'apercevoir dans la pénombre. Quand je galère le soir, tu sais, ici on est tous tes frères. Ta mort me pousse au bout de mes nerfs. Tellement pleuré que la coupe est pleine. T'aurais voulu que j'épouse mes rêves. Donc j'écris des couplets, je me force à faire des concerts. Minute de silence s'il vous plaît, c'est pour mon zin décédé qu'on se lève. Tout le monde disait qu'on se ressemblait, le même sang coulait dans nos veines. On se racontait nos cauchemars, maintenant t'apparais dans mes rêves. Un vrai repère, l'aura, y'a trop de faux amis, peu de perles rares, instinct de volatile, hors la loi, postiché comme le corbeau noir. Même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. À toutes les heures, la mort peut te heurter. Si eux ils sont pas des hommes, c'est parce qu'ils ont peur, clair. Y'a pas d'issue pour s'échapper. Le sang versé ne sait jamais. Y'a des sauts de larmes quand t'approches, va dans l'au-delà. Ils sont là pour de l'or. Ce qu'on aime au fond, c'est l'âme. Ouais, c'est pas la peau de l'homme. Révolté comme Mandela. En parenthèse, toujours là quand ça part en guerre. Mes tortionnaires se mettent torse nu, comme la race des Saiyans. On attend son heure à part entière. On était forcés d'être forcenés. Forcément, fallait que ça brille tard les vaccins, non. Faudrait que je pense à faire des mômes. Il faut rendre fiers les nôtres avant qu'on enterre mes côtes. Je veux qu'ils écoutent mes derniers mots. Comme si tu pouvais te payer le paradis. Jette